Merci. Tu souffles ? Oh, il faut un peu de souffle. Ouais, c'est le vent, c'est très bon pour la santé. C'est bon, on y va. En plus, je pense que c'est pas facile, difficile de faire un son quand on n'est pas habitué. Je sais pas comment c'est. On passe un peu et on souffle. Alors le problème, c'est que...